pas être lu. Tu ne m'as laissé que le givre de Noël disparu. Après toi, plus personne. Et j'appelle en vain au téléphone un fou qui joue les. Bien sûr, je suis libre, mais pour qui, pourquoi? Toutes les musiques dont je vibre étouffent dans ma voix. Après toi, au cinéma de ma mémoire. Vois notre quotidien. Je veux retenir une histoire dont le mal fait du bien. Si tu savais cette blessure qu'a laissé ta peau sur ma peau. Et cet orage qui murmure, il reviendra bientôt. Après toi, plus personne. Et j'appelle en vain au téléphone un fou qui joue les rois. Après toi, bien sûr, je suis libre, mais pour qui, pourquoi? Toutes les musiques dont je vibre étouffent dans ma voix. Après toi, l'espoir, ce bateau ivre me dit qu'il y aura t-